À la chaleur d'un feu de cheminée, à la faveur d'un peu d'intimité, en cette soirée de décembre, je me sens renaître de mes cendres. L'ardeur de mon âme est semblable à une flamme. Dans mon cœur, elle est captive. Mes sentiments, elle ravive. Je ne suis pas d'humeur chagrine. J'utilise ce mot parce que ça rime. Je pense à toi à chaque instant, et pas seulement de temps en temps. Fais-moi chavirer le cœur, je te ravirai de fleurs, et puis nous irons together nous promener pendant des heures. Mets-moi en plein les yeux, à la limite de l'yeux. Ou fais-moi tourner la tête, comme dans les œufs à gourette. Tu n'es pas si bête que t'en as l'air, t'aimes la fête et les bals populaires. C'est une phrase que je te sers à chacun de tes anniversaires. Moi je sais que tu te drogues au festival de Cannes, et puis en apothéose, tu te scarifies la peau, tu oses. C'est mieux que de pisser sur la tapisserie d'une pâtisserie. L'hypocrisie n'est pas payante, elle est comme une plaie béante. Tu me dis affalé, que tu te sens affamé, que t'as envie d'une fraise. Je le vois dans tes yeux de braise. Les filles aux jolis minois aiment les lentilles à la graisse d'oie, et le canard à l'orange, paraît que c'est bon contre la peau d'orange. Si tu me bassines, je t'assassine. Si tu me tracasses, je te fracasse. Vois-tu ce que je vois? Sens-tu ce que je sens? Suis la direction de mon doigt et marche au gré du vent.